Je continue en face. Je dois céder le passage. À droite, réponse A. À gauche, réponse B. En face, réponse C. À personne, réponse D.